socialiste ou républicain. Je gueule à tous ces corrompus en balançant toute leur morale dans un puant dépôt d'ordures, dans un puant dépôt d'ordures. Matinée du pauvre, matinée du pauvre. À moi que comme un pion pour relancer l'économie ou l'élément des théories, je défais qu'à la gueule d'arrêt.